Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les ponts de glace du Saint-Laurent. Le pont de glace, le fameux pont de glace. Quelque part entre Noël et le jour de l'an, il y a un très beau tapis de glace qui se forme sur le fleuve et c'était vu comme une bénédiction par les riverains. L'historien Jean Provencher à l'émission « Au pays des quatre saisons » en 1987, si le pont de glace a longtemps été considéré comme une bénédiction, c'est qu'il facilitait énormément la circulation d'une rive à l'autre du Saint-Laurent, à un point tel qu'à une certaine époque, il devenait carrément plus facile de traverser le fleuve l'hiver que l'été. Plus qu'une simple voie de communication, le pont de glace faisait aussi partie de notre mode de vie et était même un lieu de sociabilité. Son histoire appartient donc à ce qu'on appelle maintenant le patrimoine immatériel. Si on avait, disons, un chemin naturel, ça serait pas mal plus satisfaisant pour nos besoins qu'un pont en glace, parce que le pont de glace, ça commence vers le 25 décembre pour se terminer vers le 15, le 20 mars. Ça veut dire ça, que ça nous donne genre, à peu près trois mois où on peut circuler sur le pont de glace. C'est satisfaisant, mais satisfaisant dans le temps qu'on peut s'en servir. Puis lorsqu'on s'en sert, ben, c'est encore toutes les précautions qu'il faut prendre pour passer dessus, hein, comme sonder la glace pour voir si elle a la bonne épaisseur pour porter la pesanteur qu'on a à passer dessus. Faut que ce soit vérifié pratiquement tous les jours. Amédée Fraser, un résident de l'île Verte à l'émission Reflet d'un pays en 1980. Monsieur Fraser résume très bien, en fait, la situation entourant les ponts de glace. Autant le pont de glace est utile, satisfaisant, pour reprendre les mots de Monsieur Fraser, jamais aucun pont de glace n'arrivera à la cheville d'un vrai pont en termes d'utilité et d'efficacité. Et c'est d'ailleurs avec la multiplication des ponts, avec la navigation commerciale sur le fleuve à longueur d'année, que disparaîtront les ponts de glace. L'historienne Catherine Ferland est avec nous pour nous raconter l'histoire des ponts de glace. Catherine Ferland, bonjour. Bonjour. Quand commence-t-on, Catherine, avant même qu'on parle de leur utilisation, là, parce que ça va atteindre des sommets, on le verra dans l'émission, mais quand est-ce qu'on commence à juste évoquer dans les documents qu'on peut consulter, là, quand est-ce que le pont de glace arrive dans notre littérature, dans les documents d'archives? En fait, avant même de parler de pont de glace, on peut parler de glace tout simplement dès les premiers voyages de Jacques Cartier. Hein, on est à l'hivernement, on se rend compte à quel point, mon Dieu, ce pays est donc froid. Et l'épaisseur de la glace qui va entourer le navire, qui va carrément emprisonner le navire dans la baie où est-ce qu'il s'était amarré, va stupéfier carrément Cartier et tout son équipage. Donc, il y a vraiment une sorte d'imaginaire de la glace qui va s'installer très, très tôt, dès les premières explorations françaises ici dans le golfe du Saint-Laurent, dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, après, bon, on va se rendre compte qu'il y a possibilité d'utiliser cette glace-là et non pas d'en être simplement victime ou d'être victime de l'événement, mais ça va prendre quand même un certain temps. Et ça impressionne. Ça a impressionné Cartier. Ça va en impressionner d'autres. Il y a des témoignages. La formation là, géologique, si je puis dire, mais en tout cas, le phénomène naturel, oui, il impressionne. C'est un phénomène qui va frapper l'imaginaire, effectivement. Marie de l'Incarnation, dans ses écrits au début du 17e siècle, dit que ça ressemble à une grande plaie. Donc, cette surface glacée qui s'étend à perte de vue, c'est quelque chose qui va revenir dans plusieurs témoignages dès les débuts du régime français et tout au long, d'ailleurs, du régime français. On va prendre soin de consigner les époques où le pont de glace survient. Donc, à ce moment-ci, on peut dire, ah, ben tiens, fin décembre, et on voit qu'il apparaît, comme dans le témoignage de M. Fraser qu'on a entendu tout à l'heure. Mais des fois, ça peut attendre jusqu'en janvier. Des fois, il n'y a même pas de pont qui va se former. Donc, à travers cet examen des témoignages dès le régime français, c'est intéressant. Mm-hmm. On est capable de voir un peu les fluctuations climatiques, d'ailleurs, qui vont frapper le Canada. Parce que c'est lié, évidemment, vous le disiez, mais c'est vrai qu'il y a des années où les ponts de glace seront exceptionnels en épaisseur et en durée. Il y a des années où il n'y en a carrément pas. Ça fluctue d'une saison à l'autre. On les retrouve où, ces ponts de glace, Catherine Ferland? Il y a plusieurs endroits. Avant de parler de leur localisation, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui est assez particulier. Quand l'hiver démarre en Lyon et que vraiment, en quelques jours, le pont se forme, souvent, il va être très, très lisse. Oui. Et ça, ça va frapper encore plus. Tout à fait. C'est magnifique et ça forme un miroir. Et ces années-là, on dit justement que le fleuve ou les ponts de glace semblent être de grands miroirs comme ça. Puis il y a une petite vision mystique qui peut s'installer autour de ça. Certaines autres années, bon, ça se passe pas tout à fait dans les formes. Il va y avoir des gels, des dégels successifs. Et il va se former des genres de gros blocs de glace qu'on appelle des bourguignons, pour une raison que j'ai pas réussi à comprendre. Là, je pense que ça fait référence à la forme un peu carrée que la glace va prendre en se détachant. Et ça refige au fil des jours suivants qui vont être plus froids. Donc, successivement, comme ça, de jour en jour, ben, la glace va prendre. Mais on s'entend, c'est plein d'aspérité, c'est plein d'arêtes de glace. Et ça n'a pas du tout le même aspect. Ça peut être très spectaculaire. On peut imaginer un paysage un peu fantastique qui va se dessiner, mais on est très, très loin. Espèce de glace, en fait. Oui, exactement. Donc, il y a vraiment ces deux modèles au niveau de la formation naturelle qui vont se produire. Tout à l'heure, on pourra se reparler de la formation où l'être humain aide un peu, mais ça, c'est autre chose. Mais pour revenir à votre question, où est-ce qu'on va retrouver des ponts de glace? En fait, entre deux rives, normalement, il peut se produire quelque chose. Parfois, c'est carrément une île. On parlait de l'île Verte. Donc, entre l'île Verte et Kakuna, il y a ce pont qui va se former régulièrement. L'île Saint-Barnabé avec Rimouski, l'île aux Basques avec Trois-Pistoles, par exemple. Mais aussi les rives du fleuve elles-mêmes. Donc, évidemment, la traverse Québec-Lévis, c'est un pont de glace qui va être beaucoup célébré, notamment dans les arts. On en reparlera tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose qui va marquer. Entre Neuville et Saint-Antoine-de-Tilly, Cap-de-la-Madeleine et Saint-Angèle-de-Laval, Trois-Rivières et Saint-Angèle-de-Laval aussi, donc tout ça va se prendre ensemble. Autour de Montréal, c'est un peu différent. Donc, on a tout un archipel, hein, des petites îles et tout ça. Donc, Sorel avec l'île Saint-Ignace, l'île du Pas, l'île au Castor. Il y a vraiment quelque chose qui se produit là, qui va participer à cette vie hivernale, cette vie pendant les mois d'hiver dans ces régions-là, donc entre la Prairie et Saint-Lambert, un peu partout comme ça, ça peut figer. Depuis Montréal, en gros, là, et en descendant le fleuve jusqu'à au Bas-Saint-Laurent, par rapport aux îles, évidemment, pas la traverse complète du fleuve. Exactement. C'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. Quand est-ce qu'on commence, Catherine Ferland, à les utiliser au-delà du phénomène naturel, à utiliser le pont de glace comme voie de communication? C'est surtout au 19e siècle qu'on va commencer à voir le potentiel de ces ponts-là. C'est certain qu'avant ça, bon, les gens ont saisi l'opportunité. Hein, on n'est pas fous. On se dit, bon, tiens, il y a une belle surface, ça va éviter de faire un grand détour. Alors, effectivement, on sonde un peu, on essaie d'y aller, puis quand ça passe, tant mieux. Quand ça casse, ça va moins bien. Mais disons qu'à un moment donné, au 19e, on va structurer un peu plus la façon d'utiliser ces ponts-là pour en venir à quelque chose qui ressemble à du balisage, carrément. Donc, on peut, conscrire des petites équipes dans diverses municipalités, par exemple, et en disant, ben, une équipe part de son côté de rive, l'autre équipe part du sien, et on se rejoint au milieu. On fait un chemin d'environ 10 mètres et on se rejoint en balisant. Et quand il y a eu des années plus difficiles où on n'a pas cette belle patinoire qui se forme naturellement, ben justement, on aide un peu la nature. Oui. Ça devient tellement important à ce moment-là, au 19e siècle, que c'est vraiment, il y a cette notion d'utilité publique. On utilise les ponts de glace comme ils font carrément partie du réseau de communication, de circulation. On écoute là-dessus, justement, Jacques Folcribas parler un peu de la façon dont, vous l'avez un peu abordé, mais dont on organise tout ça. Il y a même une responsabilité. Les municipalités sont tenues d'organiser ces ponts de glace. Jacques Folcribas à l'émission L'Aventure en 1992. Alors, comment on faisait? On commençait par sonder la glace. On établissait un tracé sécuritaire, disons, plus ou moins efficace. Les cantonniers écoutaient le bruit sous leurs pas, écoutaient le bruit que faisait la glace et jugeaient de sa résistance. Une fois qu'on avait trouvé un bon parcours, on le balisait en plantant de chaque côté, et même à intervalles réguliers, de petits arbres. Ainsi, la nuit, on parle des temps de poudrerie, les utilisateurs ne risquaient pas de se perdre ou de s'en aller dans des zones dangereuses. Ces opérations, c'était pas, je veux dire, une chose spontanée, c'était régi vraiment par des lois. Par exemple, les paroisses situées de part et d'autre d'une rivière étaient formellement obligées, chaque hiver, de préparer, d'entretenir et de se partager les coûts d'un pont de glace. Ça, c'est assez fascinant, Catherine Ferland, cette obligation qu'on impose aux municipalités, ça montre encore une fois l'importance qu'a le pont de glace à ce moment-là. Absolument, parce que c'est une importance qui est économique, qui est sociale aussi, mais qui est économique à la base, hein, parce que ça peut faciliter le transport des marchandises qui, normalement, s'acheminent moins bien, par exemple, la pierre. Donc, tous les marchés de construction avaient l'œil tourné vers le pont de glace en se disant, bon, il faut que ça prenne cette année parce qu'on va être capable d'apporter la cargaison nécessaire pour fabriquer tel manoir ou tel ouvrage public. Donc, il y avait vraiment ce souci d'utiliser le plus possible cette voie-là que la nature nous donnait, ou de l'aider un petit peu, là, comme on le disait. Et puis, il y a deux exemples assez formidables quand on parle d'utilisation commerciale. D'abord, un exemple qui nous ramène à l'hiver 1880. Là, on atteint vraiment un sommet. Oui. Parlez-moi de ça. Il y a un pont de glace très particulier. Je ne sais pas si c'est la seule fois dans l'histoire que ce pont de glace-là, de cette manière-là, sera organisé, mais le pont de glace qui relie Hochelaga à Longueuil, vraiment là, qu'est-ce qu'il y a sur ce pont de glace? Rien de moins qu'un chemin de fer. Un chemin de fer. Un chemin de fer temporaire, on le s'entend, bien sûr. Donc, un chemin de fer qui va être installé par le négociant Louis-Adélard Sénécal. Il va créer, pour exprès, là, juste pour cet événement-là, le Hochelaga Ice Bridge Company. Donc, on est en fin janvier 1880. Il va faire passer là-dessus un petit train. Il y a 5 wagons de 5 tonnes chacun, à peu près. Donc, c'est vraiment pour montrer encore là cette idée de domestication de la nature. L'être humain qui réussit non seulement à se transporter partout, mais même à passer sur une voie aussi temporaire que ça. Donc, c'est une expérience absolument unique en Amérique du Nord. Et je pense que si le livre des records Guinness avait existé à l'époque, assurément cet événement-là s'y serait retrouvé. Est-ce qu'il y a, de fait, vous dites un chemin de fer sur un pont de glace, c'est unique en Amérique du Nord. Est-ce que l'utilisation du pont de glace, comme on l'utilise ici, ça existe ailleurs dans le monde? Pas à la même ampleur, je devrais dire, parce que ici, ce qui est la caractéristique, c'est d'abord le froid, bien sûr, mais surtout le fait qu'on a un réseau hydrographique absolument exceptionnel. Le Saint-Laurent et ses affluents, ça permet ce genre d'expérience-là, on pourrait dire, parce que pour atteindre une épaisseur de glace de 3 à 6 mètres, grosso modo, ça prend quand même une masse d'eau suffisante. On est loin des tout petits cours d'eau de la France où on pouvait avoir des... Bon, quand l'hiver était très froid pendant le petit âge glaciaire, par exemple, les peintures flamandes nous le montrent bien. Oui, on pouvait patiner sur les rivières. Il y avait des ponts comme ça qui se créaient. Mais jamais d'aussi grande ampleur que l'utilisation qu'on va en voir ici. En fait, on ressemble un petit peu plus aux pays scandinaves à ce point de vue-là, où il y a une utilisation quand même de certains ponts de glace. Mais l'aspect culturel est particulièrement fort ici et je pense qu'on est face à un phénomène tout à fait unique de mise en valeur au niveau culturel et économique de nos ponts de glace. Il y a un autre exemple, puis on va venir dans un instant à cette grande sociabilité, la fête que ça représente, l'ouverture des ponts de glace chaque année autour du mois de décembre. Enfin, pas chaque année, mais presque chaque année. Mais juste avant, un autre exemple extraordinaire qui nous amène cette fois-là dans la région de la Mauricie, l'hiver 1879. Le pont de glace du Cap de la Madeleine, à ce moment-là, prend une dimension très, très particulière. Oui, une dimension, on pourrait dire, mystique. Oui. Parce que le curé de Cap de la Madeleine avait le désir de faire construire une église. Hein? Puis, pour faire construire cette église, il avait besoin de matériaux. Et bon, c'était compliqué de faire venir les matériaux à partir de Saint-Angèle-de-Laval et il avait vraiment besoin que le pont de glace prenne cet hiver-là. Il y avait déjà quelques hivers que ça prenait pas, donc on avait une certaine anxiété à voir si ça se produirait cet hiver. Et, le curé a tout simplement fait faire des processions, des veillées de prière avec ses paroissiens afin de solliciter l'intervention divine de la Providence pour que le pont de glace fonctionne. Et effectivement, c'est ce qui a permis qu'il tienne jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et qu'il tienne, exactement. Ouais. Donc, d'amener les charrettes avec les convois avec la pierre nécessaire pour fabriquer la fameuse église du Cap de la Madeleine. Et à tel point qu'il y a maintenant un petit pont qui a été construit plus tard, là, en 1924, qui s'appelle le Petit Pont des Chapelets, qui a été érigé justement au sanctuaire Notre-Dame du Cap pour rappeler le pont de glace en question. Donc, c'est une belle façon comme ça de saluer le fait que ce pont a, disons, contribué de façon évidente à la construction de cette église. Revenons à cette particularité qui touche les ponts de glace au Québec, l'aspect plus social. Vous disiez, il y en a d'autres étendues glacées, bien sûr, des lacs. On en a vu sur des représentations, des peintures ou autrement. Il y en a d'autres dans le monde. Mais chez nous, ça devient un lieu de sociabilité, le pont de glace. Oh, définitivement. Un lieu de sociabilité parce qu'il faut le rappeler, l'hiver peut être un frein à la fréquentation, peut être un frein à se rencontrer, à mener certaines activités. Alors que quand il y a pont de glace, quand il y a une belle glace suffisante pour, par exemple, se livrer au patinage, organiser des parties carrément de hockey, aller faire de la raquette, aller faire du ski, c'est vraiment une occasion que vont saisir nos ancêtres là, pour aller s'épivarder dans l'hiver et utiliser... Avec des buvettes qui sont installées là. Mais c'est un lieu ça devient un espace de divertissement, de sport, de divertissement. Un lieu de sport, un lieu de divertissement. On parle de buvettes, effectivement, parce qu'entre Québec et Lévis, il va y avoir ces petites cabanes où on va vendre du vin chaud, on va vendre divers alcools. Assez que, bon, à certains moments, la mairie de Québec, au tournant des années 1920, va dire, wow, ben là, ça va faire cette histoire-là de buvettes. Donc oui, ça fait vraiment partie d'un mouvement de sociabilité. Il y a, dans certaines régions, le pont de glace fait tellement partie du mode de vie des habitants que son ouverture, c'est une fête. Et vous allez voir, c'est une fête pour toutes sortes de raisons. Peut-être la buvette, peut-être la partie de curling, mais plus que ça. Écoutez bien à nouveau l'historien Jean Provencher. Les gens de Sainte-Croix, aussitôt que le fleuve s'était formé, ils ouvraient entre Sainte-Croix de Lotbinière et le village qui se trouvait sur la rive opposée, les Écureuils ou Donnacona, ils ouvraient ce qu'ils appelaient le chemin des fêtes. Et là, il y a toujours une sorte de quelqu'un qui partait en éclaireur pour emprunter ce chemin-là, le premier, en fait, qui franchissait les deux rives, qui arrivait ou sur une rive ou sur l'autre pour annoncer aux gens que le chemin des fêtes était ouvert. Et quand on regarde l'histoire de Sainte-Croix-de-Lotbinière et de la paroisse d'en avant, là, les Écureuils ou Donnacona, on remarque qu'il y a eu des mariages entre les gars et les filles de chacune des paroisses en question. Et c'est pendant l'hiver qu'on se fréquentait à ce moment-là. C'est le pont de glace qui a permis, si on veut, ces échanges amoureux-là et éventuellement les mariages qui ont suivi. Le pont de glace, le pont des amoureux. C'est fou quand même. Oui, le chemin d'amour, c'est quand même très poétique. Hein? Oui, il y a cet aspect-là qui est très important à cette époque parce que, les fréquentations comme ça, en été, on avait diverses occasions. Il y avait éventuellement la période des récoltes où les gens pouvaient se fréquenter. Mais pendant l'hiver, c'est difficile de se déplacer. Alors, quand il y avait formation de ce pont, évidemment, les gens allaient en profiter. Et, c'était l'occasion comme ça pour les jeunes hommes d'inviter jeunes femmes de la paroisse en face. Mm-hmm. En face du fleuve ou en face de l'autre rive pour une balade en traîneau, certaines choses un petit peu plus curieuses comme des pique-niques sur la glace, des promenades, même des danses qui ont été organisées à certaines occasions. Donc, on dit qu'il y a beaucoup d'habitants qui ont pris femme de l'autre côté de la rive. Ce qui n'est pas rien parce que ça veut dire qu'il y a un mélange, en fait, entre guillemets, d'une région. On quitte sa région pour aller vivre de l'autre côté de la rive après ce mariage ou enfin cette rencontre amoureuse sur le pont de glace l'hiver. On l'a évoqué, mais le pont de glace, c'est aussi pour les insulaires, c'est une façon de les sortir aussi de leur insularité. Absolument. C'est un art de vivre, hein, parce que pour un insulaire, c'est une autosuffisance un peu obligée. On choisit de vivre sur une île où on subit le choix qu'ont fait les générations avant nous, mais on est un peu captif. Et dans certains cas, la navigation, ça peut être compliqué avec certains écueils. Hein. On sait qu'il y a il y a certaines îles autour d'Anticosti et tout ça. Il y a des îles où on peut facilement échouer un bateau si on n'est pas prudent. Donc, ça peut être assez délicat. Quand le pont de glace prend, ben là, ces obstacles-là sont temporairement levés, si tout va bien, pendant 2-3 mois. Donc, ça va favoriser une vie, une revitalisation de la vie insulaire absolument exceptionnelle. C'est pour ça que c'est perçu comme un événement fantastique quand ça se produit. Évidemment, traverser un pont de glace, ça ne se fait pas nécessairement sans risque. On écoute à nouveau Amédée Fraser de L'Île verte à l'émission Reflet d'un pays en 1980. Faut savoir jouer la pesanteur qu'on a traversée aussi par l'épaisseur de la glace. Parce que vous savez qu'il devait arriver des accidents sur ce pont de glace-là. Je suis enfoncé dans la glace avec mon snow. Ma femme était avec moi. On a sauvé notre vie, mais plus que ça, là, on a filé les autres aussi. J'ai eu le temps de sauter, puis j'ai pogné ma femme, puis je l'ai débarqué sur la glace. Il est arrivé d'autres accidents aussi. Deux jeunes hommes de l'île qui ont tombé dans la pompe et qui se sont noyés. Est-ce qu'il y aura beaucoup, Catherine Ferland, beaucoup d'accidents sur ces ponts de glace, de morts éventuellement? Quelques-uns, hein, quand même. Il faut déplorer certains incidents comme ça qui vont se produire. Il y a des moments où c'est carrément de la négligence. À ce moment-là, on est capable de pointer une administration municipale qui n'a pas fait son travail correctement pour sonder la glace. À d'autres moments, c'est carrément un accident comme ça. Donc, après un redout pendant une nuit, par exemple, il va se produire de la fragilisation à certains moments, des aiguillettes de glace qui se détachent et whoop, on peut se retrouver avec une sorte de radeau qui se détache du bord. Et ça, à ce moment-là, ça peut être assez terrible. Parfois, ça peut être aussi qu'on attend un peu trop. Hein. On est trop près du moment de la débâcle. On est trop près du moment où les glaces se rompent et cèdent. On est trop avancé dans le printemps. Et tout simplement, c'est la personne elle-même ou le groupe qui est à mettre en cause. Mais oui, effectivement, ce sont des choses qui se sont produites à nombre de reprises. Ça se termine quand et pourquoi? Mais quand est-ce que ça arrive, cette mort, cette fin du pont de glace? En fait, la fin des ponts de glace, c'est vraiment le début de la navigation à l'année dans le fleuve qui va sonner un peu la fin. Parce que avec la modernité, on ressent le besoin de pas laisser le fleuve devenir une entrave aux commerçants. Ça devient important d'être capable de communiquer en tout temps avec le monde et de se livrer aux activités commerciales. Donc, on va installer des brise-glaces, on va s'assurer d'être capable de faire passer des marchandises, de faire passer des gens aussi. Mm-hmm. Donc, à la fin du 19e siècle, on est dans les années 1890, au début 1900, c'est vraiment ce qui va sonner la fin. Et faut dire aussi qu'on commence à mettre des ponts de métal, donc construire des structures qui ne sont plus cette fois-là temporaires, mais bien permanentes autour de par exemple, le pont de Québec en 1917, les îles de Sorel qu'on va relier les unes aux autres dans les années 30, le pont Tachereau pour accéder à l'île d'Orléans en 1935. Donc, tous ces ponts-là vont, disons, montrer que le pont de glace comme objet d'importance économique n'a plus sa raison d'être, tout simplement, avec la modernité. Il reste quoi aujourd'hui dans ce monde de modernité du pont de glace? Bien sûr, ça occupe encore une place dans notre imaginaire, dans les livres, dans les toiles. Est-ce qu'il y a encore est-ce qu'on essaie de les faire revivre d'une façon ou d'une autre? Il reste quoi de tout ça aujourd'hui, Catherine Ferland? Bien, c'est ce que vous disiez en entrée. C'est un patrimoine immatériel parce que de nos jours, on va encore avoir de petits ponts de glace qui vont se former à certains endroits, mais il n'y a plus cette vitalité autour. Donc, si on en recrée un, ça peut être un événement qui va être coordonné. Par exemple, dans le coin de l'Ange Gardien, près de l'île d'Orléans, il y a eu cette recréation d'un pont de glace au début des années 2000 pendant quelques temps pour essayer de montrer, de rappeler un peu cet élément qui est devenu du folklore, il faut le dire, qui ne fait plus du tout partie de nos mœurs contemporaines. Donc, il y a une nostalgie certaine qui est associée au pont de glace, mais de là à dire que c'est un patrimoine qui est très, très vivant, en fait, il ne vit surtout que dans nos mémoires, que dans les souvenirs qu'on peut en puiser. Catherine Ferland, historienne, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.